continuer maintenant la conversation entre Hélène et le réceptionniste. C'est loin, la rue Charlot ? Êtes-vous à pied ? Oui. Alors, à pied, c'est à 10 minutes d'ici. Ah bon ? About 10 minutes from here. Fine. We have time, don't we ? Bien sûr. Regardez, madame. Nous sommes ici sur le plan.